loin de la machine. Les sous et les cacobards du quartier à la machine. Quand y'a plus un petit frère pas repéré, parle avec des anciens qu'on le verrait. Et qu'on le verrait t'as des têtes prêtes à opérer. Et je parle pas de médecin, petit frère met le son. Quand il part braquer avec son calibre dans le caleçon. Ouais petit frère fait des passages, esquive le péage de l'encens. Ça pour pas finir maçon ou devoir quitter du balcon. Petit frère veut le golf 7R, veut se faire connaître dans le secteur. Quand lui dit investis dans la pierre, il répond on finira à Saint-Pierre. Petit frère a des embrouilles, petit frère veut mettre la cagoule. Petit frère serait prêt à tirer même s'il y a de la foule. Petit frère a déserté les terrains de la zone. Il marche à peine et veut déjà s'acheter l'album. Petit frère aime trop le quartier, mais il a oublié que rien ne sert de faire le gros. Petit frère, je les braque tous, je les braque tous, je les braque tous. Je suis sur Skyrock, je fais des dégâts. Je les braque tous, je les braque tous, je les braque tous. Je suis sur Skyrock, je fais des dégâts. Tif cherche sous des gains, on le reconnaît à sa dégaine. C'est souvent à lui qu'il arrive des guines. Garde pour lui, c'est mon moment de peine. Petit frère, posez des magnums dans les boîtes avant. Maintenant il met son magnum derrière la boîte à gants. Demain tout ira mieux, tu verras. Ok. Il donne des RDV où y'a du monde et des caméras. Petit frère veut devenir un voyou, conduire le Panamera. Il veut le paradis, villa de luxe sur la corniche. La Ferrari devant le garage, et le gros boule dans la cuisine. Fumer le péto devant la piscine, avec l'Uzi et la petite qui lui fait des bisous. Posé avec le maillot Zizou. Petit frère fait son équipe, veut se faire le charbon d'à côté. Mais a oublié que le charbon d'à côté était équipé. Petit frère est en guerre, il change d'endroit tous les mois. Il s'est fait des histoires, à la base il était aimé tout le monde. On lui avait pourtant dit que dans ce milieu là, c'était la mort ou la prison. L'amitié et les trahisons, et qu'il y aura peut-être pas de guérison. Petit frère qui pousse son calibre, petit frère la rue le valide. Petit frère, mon frère mourir, ouais, qu'être pas libre. Laisse pas traîner petit frère, tu pourrais le voir partir trop tôt. Parce que la rue ça va vite, ça fait papa sur la moto. Laisse pas traîner petit frère, tu pourrais le voir partir trop tôt. Parce que la rue ça va vite, ça fait petit frère a déserté le terrain de la zone. Il marche à peine et veut déjà s'acheter l'album. Petit frère aime trop le quartier, mais il a oublié que rien ne sert de faire le gros. Petit frère, je les braque tous, je les braque tous, je les braque tous. Je suis sur Skyrock, je fais des dégâts. Je les braque tous, je les braque tous, je les braque tous. Je suis sur Skyrock, je fais des dégâts. Petit frère a déserté le terrain de la zone. Il marche à peine et veut déjà s'acheter l'album. Petit frère aime trop le quartier, mais il a oublié que rien ne sert de faire le gros. Petit frère a déserté le terrain de la zone. Il marche à peine et veut déjà s'acheter l'album. Petit frère aime trop le quartier, mais il a oublié que rien ne sert de faire le gros. Petit frère, je les braque tous, je les braque tous, je les braque tous. Je suis Skyrock, je fais des dégâts. Je les braque tous, je les braque tous, je les braque tous. Je suis sur Skyrock, je fais des dégâts. Eh merci la zone.